بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فكونتينيو إكسبيكاسيون دو لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد إكسبيكاسيون الشيخ صالح الفوزان عن ليفر دو ليمام بن قدام المقدسي رحمه الله تعالى Donc la semaine dernière, on avait, ou plutôt le dernier cours, on avait traité de Al-Istiwa. On avait parlé de l'Istiwa, l'élévation d'Allah Azzawajal au-dessus de son trône. Et Cheikh Al-Fawzan avait cité les différentes définitions ou les différents sens du terme Al-Istiwa, qui voulait dire Al-Ulu, mais également à l'istiqrar, l'établissement au-dessus du trône, à soud ou à l'irtifa, et le fait d'être élevé au-dessus du trône. Et on s'était arrêté à la parole de Cheikh Al-Fawzan, « وَلِاسْتِوَاءُ مِنْ صِفَاتِ الْأَفْعَالِ وَلِذَلِكَ عَطَفَهُ عَلَى خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِثُمَّ فقال تعالى الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش فهو من صفات الأفعال التي يفعلها الله جل وعلا متى شاء وإذا شاء. Puis Cheikh Al-Fawzan dit que l'istiwa, l'élévation, est un attribut d'Allah Azza wa Jal qui fait partie de صفات الأفعال, c'est-à-dire que ce sont des attributs qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait. C'est pour cela qu'il a fait suivre Al-Istiwa après avoir créé les cieux et la terre en disant Thumma. C'est-à-dire, Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran Alladhi khalaqa as-samawati wal-ardha fi sittati ayyam. C'est lui qui a créé les cieux et la terre en six jours. Thumma istawa 'ala al-arsh. Puis, il s'est établi au-dessus de son trône. Cela prouve que le fait de s'élever au-dessus du trône, que c'est un caractère, un attribut d'Allah Azza wa Jal qu'il fait quand il veut et comme il veut, subhanahu wa ta'ala. Contrairement à as-sifat al-dhatiyya, contrairement aux attributs d'Allah Azza wa Jal qui sont propres à lui, qu'il a toujours eu et qu'il aura toujours. Comme par exemple, al-haya wa al-ilm, par exemple la science. Allah Azza wa Jal a toujours eu la science et il l'aura toujours. Et il y a d'autres attributs d'Allah Azza wa Jal qu'il fait quand il veut et comme il veut, subhanahu wa ta'ala. Et parmi ces attributs, le fait qu'il s'élève au-dessus de son trône. Donc, c'est un attribut qu'Allah Azza wa Jal fait quand il veut et comme il veut. Amma al-ulu, fa'innahu sifatu dhatin la yanfakku anhu jalla wa ala, la yazalu Allahu fil ulu wa subhanahu wa ta'ala, amma al-istiwa. Il faut donc séparer deux choses, à savoir l'élévation d'Allah Azzawajal et l'istiwa. L'élévation, c'est-à-dire qu'Allah Azzawajal est au-dessus de toutes ses créatures. Ceci fait partie des as-sifat al-dhatiyya, c'est-à-dire qu'Allah Azzawajal a toujours été au-dessus de ses créatures et le sera toujours. Quant au fait qu'Allah Azzawajal s'établisse sur son trône ou au-dessus de son trône, ceci est un acte qu'Allah Azza wa Jal, est un attribut qu'Allah Azza wa Jal fait quand il veut et comme il veut. فأهل السنة والجماعة يؤمنون باستوائه على عرشه ويقولون الاستواء يأتي في القرآن على معان يأتي لازما غير متعد. Vous avez لا يأتي vous? Il faut supprimer le la manif. يأتي لازما غير متعد ولذلك وذلك كما في قوله عن موسى عليه السلام ولما بلغ أشده واستوى القصص ومعناه الكمال والتمام وإذا عدي بإلى استوى إلى السماء فمعناه القصد وإذا عدي بالواو فمعناه المساواة تقول استوى الماء والخشبة بمعنى تساويا استوى فلان وفلان بمعنى تساويا وإذا عدي بعلى فمعناه الارتفاع كما قال تعالى وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره أي ترتفع عليها وتستقر على ظهور الفلك وظهور الأنعام في السفر ومنه قوله تعالى ثم استوى على العرش يعني ارتفع وعلى وصعد سبحانه وتعالى وكل هذه على ما يليق بجلاله ليس مثل صعود المخلوق أو علو المخلوق على المخلوق أو استواء المخلوق على المخلوق هناك فرق بين استواء المخلوق واستواء الخالق جل وعلا. Et les gens de la sunna croient qu'Allah عز وجل est établi au-dessus de son trône. ويقولون الاستواء يأتي في القرآن على معاني. Ils disent que l'istiwa vient dans le Coran ou est apparu dans le Coran voulant dire plusieurs choses. Et il y a plusieurs sens de l'istiwa. Tout dépend ce qui précède ou ce qui suit l'istiwa. Le terme istawa est venu dans le Coran sans être précédé. Comme dans la parole d'Allah Azza wa Jal, lorsqu'il a parlé de Moussa, وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى. Et lorsque il a atteint la maturité, وَاسْتَوَى. وَاسْتَوَى, يعني, les savants du tafsir ont dit, et lorsque il a atteint les 40 années. Lorsqu'il a atteint la maturité et les 40 années. ومعناه الكمال والتمام, c'est-à-dire que c'était un homme complet. Et ici le terme stawa signifie complété. Signifie quelqu'un de complet. وإذا عدي بإلى استوى إلى السماء فمعناه القصد. Et lorsque استوى est suivi de إلى, il veut dire القصد, c'est-à-dire qu'Allah عز وجل استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. C'est-à-dire qu'Allah عز وجل s'est occupé de la terre, des cieux à foin. استوى إلى السماء, c'est-à-dire qu'Allah عز وجل s'est occupé de la création des cieux. فسواهن سبع سماوات. Et il les a fait sept cieux. Il en a fait sept cieux. Autrement dit, lorsqu'Allah عز وجل a créé les cieux et la terre, il s'est dirigé ou a entamé la création de la terre, des cieux à fond. Donc, istawa ila sama, c'est-à-dire qu'il s'est apprêté à créer les cieux. Il s'est apprêté à créer les cieux, et ce qui nous donne le sens de s'apprêter à, al-qasd, c'est le terme ila. Wa idha uddiya bil waw, fa ma'nahu al-musawa. تقول استوى الماء والخشبة. Et lorsque istawa est suivi de waw, alors cela veut dire l'équivalence. Cela veut dire l'équivalence. C'est-à-dire lorsque tu dis استوى الماء والخشبة, lorsque l'eau et le morceau de bois sont au même niveau. C'est-à-dire qu'ils sont au même niveau. Par exemple, استوى فلان وفلان. Un tel a le même niveau qu'un tel. Et ce qui nous donne le sens de même niveau est le waw. Et le fait que istawa soit suivi de waw. Wa idha udiya bibi fa ma'nahu l'irtifa' wa ja'ala lakum min al-fulk wa l'an'ami ma tarkabun litastawu 'ala dhuhurih. Naam? Bi'ala, naam. J'ai dit quoi? Bibi. Naam, bi'ala. Wa idha udiya bi'ala. Et lorsque le terme istawa est suivi de ala, alors son sens est le fait de s'élever au-dessus, d'être au-dessus. Comme Allah Azza wa Jal l'a dit dans le Coran, وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَلَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ. Allah Azza wa Jal a dit, et il a fait pour vous des navires et des bestiaux que vous montez. لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ. Pour que vous soyez au-dessus de leur dos. C'est-à-dire que vous soyez au-dessus du dos. Autrement dit, des bestiaux. C'est-à-dire que vous soyez au-dessus et que vous soyez installé au-dessus des bateaux ou sur le dos des bestiaux lors du voyage. Et d'où vient et de ceci vient le fait qu'Allah Azza wa Jal est élevé au-dessus de son trône est établi au-dessus de son trône, car Allah Azza wa Jalla a dit Thumma istawa ala al-arsh. Ala al-arsh, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla est au-dessus de son trône. Wa kullu hada ala ma yaliqu bi jalalihi. Et ceci est propre à Allah Azza wa Jalla. Et Allah Azza wa Jalla est établi au-dessus de son trône comme cela lui convient, subhanahu wa ta'ala. Et en aucun cas on peut faire ressembler son établissement au-dessus de son trône comme ses créatures s'établissent sur leur trône. L'établissement de la créature ne ressemble en aucun cas à l'établissement du Créateur. Wa qawluhu ta'ala a amintum man fis samaa'i an yakhsifa bikum al-ard فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير السماء المراد بها العلو فمن في السماء أي في العلو وتكون في بمعنى على في السماء يعني في العلو على ظاهرها أما إذا أريد بالسماء السماء المبنية التي هي السبع الطباق فتكون في السماء يعني على السماء لأن في تأتي بمعنى على مثل قوله تعالى فسيروا في الأرض يعني على الأرض ولو صلبنكم في جذوع النخل يعني على جذوع النخل فإذا أريد بالسماء مجرد العلو فإن في على ظهرها ظرفية يعني في العلو وإن أريد بها السماء المبنية فيكون معنى قوله في السماء يعني على السماء وليس يعني في السماء أن الله داخل في السماوات لأن السماوات مخلوقة والله جل وعلا لا يحل في شيء من مخلوقاته ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته بل هو بائن من خلقه سبحانه وتعالى الله عز وجل. Donc l'imam Ibn Qudama al-Maqdisi a dit wa qawluhu ta'ala a amintum man fis samaa. Et la parole d'Allah, est-ce que vous croyez ou êtes-vous à l'abri de ce qui est au ciel? Allah Azza wa Jalla a dit a amintum man fis samaa an yakhsifa bikum al-ard fa idha hiya tamur. Êtes-vous à l'abri de celui qui est au ciel qu'il vous enfouisse sous la terre et voici qu'elle tremble? Ou êtes-vous à l'abri de celui qui est au ciel, qu'il envoie contre vous un ouragan de pierre, vous فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرُ. Vous serez ainsi quel fut mon avertissement. Donc Allah Azza wa Jalla a dit, êtes-vous à l'abri de celui qui est au ciel, qu'il vous enfouisse sous la terre. Qui est au ciel? Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, Allah Azza wa Jalla s'adresse à ses serviteurs, êtes-vous à l'abri d'Allah Azza wa Jalla qui est au ciel, qu'il vous ensevelisse sous la terre et qu'il la fasse trembler, et voici qu'elle tremble. Autrement dit, qu'Allah Azza wa Jalla vous ensevelisse sous la terre après un tremblement, ou bien qu'il envoie sur vous un ouragan de pierre. Et Allah Azza wa Jalla est capable de ceci, d'envoyer un ouragan de pierre et quelque chose de facile. Chez Allah subhanahu wa ta'ala. As-sama, Cheikh Fouzan dit, as-sama, le ciel ici, al-murad biha al-ulu. C'est-à-dire, il faut comprendre des cieux, du ciel, non pas le ciel, mais al-ulu. C'est-à-dire, la hauteur. Faman fi sama ay fi al-ulu. Qui est au ciel? Êtes-vous à l'abri de celui qui est au ciel? C'est-à-dire de celui qui est dans les hauteurs. Celui qui est dans les hauteurs. Autrement dit, celui qui est au-dessus de tout le monde. وَتَكُونُ فِي بِمَعْنَا عَلَى فِي السَّمَا يَعْنِي فِي الْعُلُو عَلَى ظَاهِرِهَا أَمَّا إِذَا أُرِيدَ بِالسَّمَاءِ الْمَبْنِيَّةِ الَّتِي هِيَ سَبْعَ الطِّبَاقِ فَتَكُونُ فِي يَعْنِي عَلَى السَّمَاءِ. Donc ici, soit on considère le terme ciel comme étant la hauteur, ou soit on considère le ciel comme étant effectivement le ciel. Si on considère que as-sama signifie la hauteur, alors fi signifie dans les hauteurs. Mais si on considère que as-sama signifie effectivement le ciel, alors le terme fi doit être compris comme ala, comme au-dessus, et non pas dans. Et Cheikh Fawzan a rapporté la preuve. Allah Azza wa Jalla a dit Fasiru fil ard. Parcourez sur terre. Si on traduit littéralement, parcourez dans la terre. C'est-à-dire dedans. Mais Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il dit parcourez la terre, c'est-à-dire parcourez au-dessus de la terre. C'est-à-dire avancer au-dessus de la terre et non pas dans la terre. Ce serait quelqu'un de fou qui essaierait de parcourir la terre, surtout en voyageant, en rentrant dans la terre et en dessous. Non. Alors, Azza wa Jalla dit Fasiru fil ard, Fasiru ala l'ard. Wala usallibannakum fi judu'in nakhl. Wala usallibannakum fi judu'in nakhl. Et je vous crucifierai sur les troncs de palmiers. Qui a dit ça? Fir'aoun. Il a dit ça aux sorciers qui n'avaient pas cru en lui ou qui avaient préféré croire en Moussa que de croire en Pharaon. Et parmi les menaces que Pharaon leur a faites, il leur a dit je vous crucifierai fi judu'in nakhl. Si on comprend fi comme dent, je vous crucifierai dans le tronc des palmiers. Comment est-ce qu'on crucifie quelqu'un à l'intérieur d'un tronc? Non, ça, on doit comprendre fi yani ala, c'est-à-dire sur les troncs de l'arbre. Donc c'est la nuance qu'il faut prendre. Soit on considère As-Sama comme étant Al-Ulu, dans ce cas-là Allah Azza wa Jal est effectivement dans les hauteurs et Allah Azza wa Jal est au-dessus de toutes ces créatures. Et si on considère que As-Sama c'est effectivement le ciel, dans ce cas Fi n'a pas le sens de dans mais a le sens de au-dessus. Et pourquoi est-ce que le terme fi, si on considère que le ciel c'est effectivement le ciel, pourquoi est-ce que fi ne peut pas être dans? Cheikh Fawzan a donné la réponse, car si on dit cela veut dire qu'Allah Azza wa Jal est dans les cieux. Or, Allah Azza wa Jal ne peut pas être dans les cieux, car les cieux sont une créature. Et Allah Azza wa Jal est le créateur. Et une créature ne peut pas être. Et le créateur ne peut pas être cerné par une de ses créatures. Donc, et Cheikh Al-Fawzan a dit Wala fala laysa fi dhati shay'un makhluqati, wala fi makhluqati shay'un min dhati. Donc, il n'y a pas dans ses créatures une partie de son essence, comme son essence ne fait pas partie de. Ou comme son essence n'est pas dans ses créatures. Donc Allah Azza wa Jal est bien distinct de ses créatures, subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal est distinct, c'est-à-dire qu'il est séparé de ses créatures, subhanahu wa ta'ala. وهذا فيه رد على الجهمية والمعطلة الذين يقولون إن الله لا يوصف بأنه في العلو ولا داخل العالم ولا خارج العالم وهذا معناه العدم لأن الذي ليس داخل العالم ولا خارج العالم هذا معناه أنه معدوم تعالى الله عما يقولون وكذلك في الآية رد على الحلولية الذين يزعمون أن الله حال في كل شيء تعالى الله عما يقولون. Il y a dans ce sujet une réponse à Al-Jahmiya et Al-Mu'attila qui disent que Allah Azza wa Jal n'est pas. On ne peut pas dire qu'Allah Azza wa Jal est élevé au-dessus de son trône. Et ils disent également qu'Allah Azza wa Jal n'est ni à l'intérieur des mondes, ni à l'extérieur des mondes. Et ceci, comme l'a dit Cheikh Al-Fawzan, ceci signifie le néant. Quelque chose qui n'est ni dans les hauteurs, ni à l'intérieur des mondes, ni à l'extérieur des mondes, ça s'appelle le néant. هذا معناه أنه معدوم تعالى الله عما يقولون كالله عز وجل soit exempté de ceci. وكذلك في الآية رد على الحلولية. Et également dans ce verset il y a une réponse à الحلولية. Qu'est-ce que الحلولية? C'est une secte qui prétend qu'Allah عز وجل est présent dans toute chose. Est présent dans toute chose, c'est-à-dire toute chose créée, eh bien Allah عز وجل est dans cette chose. Non, Wahda al-Wujud et al-Hulul, c'est des synonymes. Ceux qui considèrent que Allah est dans tout. Non, wal-ayadu billah. Les soufis, mais c'est les Hululiyyah qui ont été connus pour cet égarement. Et ensuite, les soufis les ont suivis dans cela. Wa qawlu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, Rabbuna Allah alladhi fi as-sama'i taqaddasa ismuk. Donc l'imam Ibn Qudama cite un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour montrer également la preuve qu'Allah azza wa jalla est au-dessus de ses créatures. Et il cite le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'invocation qu'il disait que notre Seigneur est Allah qui est dans les cieux, taqaddasa ismuk, que ton nom soit béni. كما أن الله وصف نفسه بأنه في السماء كذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصف ربه بأنه في السماء فقال في حديث الرقية المعروف ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع الشاهد منه قوله الذي في السماء ووصف ربه بأنه في السماء وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف لكن الآية التي قبله أأمنتم من في السماء تؤيده والمصنف وغيره قد يذكرون أحاديث ضعيفة في باب العقائد لكنها تدخل تحت أدلة صحيحة تؤيد معناها فهي من باب الاعتضاد ومن باب الاستئناس بها لا من باب الاعتماد عليها كليا. Donc Cheikh Fawzan dit, comme Allah Azza wa Jal s'est attribué l'élévation au-dessus des cieux, également son envoyé sallallahu alayhi wa sallam a décrit Allah Azza wa Jal comme étant au-dessus des cieux, comme ceci est apporté dans le hadith de Ar-Ruqiyah, de la guérison qui est connue, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Rabbun Allah, Allah est notre Seigneur qui est au-dessus des cieux, taqaddasa ismuk, que ton nom soit béni, amruka fis samai wal ard, ton commandement est dans les cieux et la terre, comme ta miséricorde est dans les cieux, fais que ta miséricorde soit sur terre, pardonne-nous, hubana, al-hub, les savants disent wa al-dhanbul kabir, wa al-dhanbul kabir, pardonne-nous nos grands péchés et nos erreurs, anta rabbu at-tayyibin, tu es le Seigneur des bons, anzir rahmatan min rahmatik, fais descendre une miséricorde de ta miséricorde, wa shifaan min shifaik, et une guérison de tes guérisons, ala hada al-waja', sur cette maladie, sur cette maladie. Et Cheikh Fawzan dit ash-shahidu minhu qawluhu alladhi fi as-sama', et ce qu'on retient de ce hadith, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui est au-dessus des cieux, wasafa rabbahu bi'annahu fi as-sama', il a donc attribue à Allah Azza wa Jal qu'il est au-dessus des cieux. Et dans ce hadith, wa in kana fihi da'f, car ce hadith effectivement est faible. Ce hadith effectivement est faible. Les savants du hadith l'ont rendu faible, comme l'a dit Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Et Cheikh Al-Fawzan dit effectivement ce hadith contient des faiblesses, mais le verset qui a été cité avant, à savoir a amintum man fi as-sama, êtes-vous à l'abri de celui qui est au-dessus des cieux, tu'ayyidu, vient appuyer ce hadith, wal musannif, et l'auteur et autres que lui peuvent parfois citer des hadiths qui sont faibles dans le chapitre de la croyance, mais ce sont des hadiths qui rentrent dans l'enceinte d'autres preuves qui sont authentiques et qui soutiennent, c'est-à-dire ces hadiths faibles. Donc, il les cite non pas comme des preuves sur lesquelles il se repose, mais il cite ces hadiths car ils sont soutenus et appuyés par d'autres hadiths qui sont authentiques, voire d'autres versets qui sont la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. ونكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.